Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Connaître ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. Aujourd'hui, c'est notre dernière émission et nous parlons avec deux étudiantes et un invité spécial de la préparation de Noël dans les familles. Nous avons aussi une chronique internationale sur la coopération. Restez avec nous! Alors, bonjour Maryse. Allô, Nina. Bonjour Nancy. Allô. Et bonjour Steven. Allô. Alors, nous avons avec nous deux étudiantes et Steven. Steven, qui es-tu? Ben, j'ai 10 ans, puis je viens du lac Saint-Jean. Et aussi. C'est le fils de Nancy qui est avec nous. Il a même passé l'avant-midi dans un autre cours ce matin pour venir aujourd'hui à l'émission nous parler de la préparation de Noël dans sa famille. Alors, pour nous situer un peu, Nancy et Maryse, dites-nous qui sont vos enfants. Juste parlez-nous un petit peu de notre famille pour qu'on sache qui ils sont. Ben moi, je suis Nancy, étudiante en pratique sage-femme. J'ai 4 enfants de 14 ans à 2 ans. 14 ans, 10 ans, 5 ans et 2 ans. Et puis moi, c'est Maryse. Je suis aussi étudiante en pratique sage-femme et puis j'ai 2 enfants. Justin qui a 3 ans, puis Antoine qui a 20 mois. Alors, d'abord, question comme ça. Comment est-ce que vous vous préparez à Noël en famille? Ben, on fait des biscuits aux épices pour mettre proche du foyer pour que le Père Noël, quand il rentre par la cheminée, pour qu'il voie et puis qu'il mange, là. Pour l'amener à... Wow! Est-ce qu'il y en a d'autres qui préparent des recettes spéciales pour Noël? Qu'est-ce que vous cuisinez pour Noël? Est-ce que vous cuisinez? Bien, c'est sûr que moi, en tout cas personnellement, avec les enfants, j'aime beaucoup faire, comme Steven l'a dit, des biscuits, mais aussi plein de petites gâteries là, pour le temps des fêtes. Cette année, bon, je vais être un peu plus tardive, là, mais ça va se faire quand même. Puis tu sais, faire c'est ça, des gâteries, puis des préparations là, de recettes qu'on mange dans le temps des fêtes seulement, des tourtières, des choses comme ça. Là. Des tourtières, en plus des tourtières du lac? Oui. Est-ce que Maryse vous préparez de la nourriture spéciale? Ben moi, c'est encore ma mère qui fait la cuisine. Là. Ça arrive que je vais chez elle puis que je l'aide à faire des truffes ou des justement là, des gâteries pour Noël. Mais moi encore, j'ai pas commencé à les faire chez moi avec mes garçons. Là. Qu'est-ce que vous, au niveau de la préparation matérielle, est-ce que vous décorez pour Noël? Ben, on fait un sapin puis on le décore... Avec plein de guirlandes puis des lumières. Puis on fait des décorations dans la maison un peu partout, là. Moi, j'aime beaucoup quand on fait le sapin, tu sais, laisser les boules de plastique aux enfants. Puis c'est eux autres qui vont toutes les poser dans le bas de l'arbre. Puis le haut de l'arbre, bien, c'est moi et mon conjoint qui le décore avec Est-ce que vous le faites avant? Après, est-ce que vous commencez par vous mettre des boules, puis après les enfants les mettent? Non, il va en même temps. On sort toutes les décorations, puis les enfants savent qu'est-ce qu'ils ont le droit de prendre, puis qu'est-ce qu'ils peuvent, tu sais, qui est préférable à nous laisser, là. Ben moi, je trie le matériel, puis je leur indique qu'est-ce qu'ils peuvent prendre. Puis c'est ça, on les laisse aller, là, dans leur créativité pour poser les décorations. Puis même quand on fait le pied de l'arbre aussi, puis qu'on pose la crèche, puis les personnages de la crèche, tout ça, ben j'aime beaucoup le faire avec eux parce que en même temps on raconte l'histoire puis tu sais on se resitue un petit peu dans nos croyances et tout ça fait que tu sais j'aime ça là, à ce niveau-là le faire avec les enfants. C'est vrai qu'on se retrouve avec un sapin un peu à deux étages chez nous aussi, le bas du sapin est plein de toutous de boules que les enfants peuvent prendre puis qui s'y cassent ben c'est pas vraiment grave puis mes boules préférées, celles que je trouve les plus belles, ben je les mets en haut pour être certaine qu'elles sont encore là l'année d'après. Est-ce que des décorations qui ont un symbole particulier, est-ce que des gens qui vous ont offert des décorations, qui à chaque année vous vous rappelez de ces personnes-là, est-ce que c'est arrivé? Ben moi, j'ai un calendrier de l'Avent très spécial qui a été cousu par ma meilleure amie, puis qu'elle me l'a offert pour Noël. Puis chaque année, ben c'est moi qui choisis les chocolats à mettre dedans. Puis c'est toutes des petites maisons, donc le matin, on va dans la petite maison avec la bonne date, puis on choisit notre chocolat qu'on met sur la table. Donc, au fur et à mesure que l'Avent se déroule, ben, on peut regarder les petites maisons qui sont vides puis savoir que Noël approche. Moi, à ce niveau-là, c'est plus chez mes parents. c'est nos bas de Noël qu'on avait quand on était jeunes, que ma mère pose encore, puis elle est garnie encore, là, tu sais. Ça nous rappelle des souvenirs. Donc, je trouve ça bien, bien plaisant. Bien ça drôle. Permet de garder l'enfant en nous à ce moment-là. On est quand même, on reste l'enfant de quelqu'un. Et quel est votre premier événement en famille qui débute la préparation de Noël? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites pour commencer à se mettre dans l'esprit des fêtes? Quand est-ce que vous faites dire, OK, là, ça s'en vient Noël, puis on commence à le préparer en famille? Nous, habituellement, c'est la première semaine de décembre qu'on commence à poser les décorations, puis qu'on commence à plus se mettre dans l'esprit des fêtes. Mais c'est pas nécessairement tout le temps strictement chaque année dans cette semaine-là non plus. T'sais, ça peut changer, puis il n'y a pas de problème avec ça. Mais pour ce qui est de la cuisine que l'on fait avec les enfants, c'est toujours plus tard, toujours quelques jours seulement avant les fêtes, quand l'école se termine, c'est là qu'on se prend une journée puis qu'on se dit, bon, on fait de la cuisine puis on fait les biscuits, puis les enfants les décorent, tout ça. C'est la préparation des festivités aussi, là, oui. Qui est très proche de Noël. Maryse, c'est votre quatrième Noël en famille. Comment est-ce que les festivités se vivent? Est-ce que vous faites la fête? Bien, même si je suis rendue, moi, avec mon mari, une petite famille, pour nous, c'est encore vraiment la grande famille avec ma mère, mon père, mes sœurs qui est notre noyau familial, là. Donc, chaque année, depuis 20 ans, généralement dans la première semaine de décembre, on va effectuer la cueillette du sapin en famille. Donc, c'est-à-dire qu'on part vraiment dans le bois en arrière de chez mes parents, toute la famille, les enfants dans les traîneaux, puis on va marcher dans la forêt. Puis on essaie de repérer le plus beau sapin qui pourrait orner le salon chez mes parents pour cette année-là. Donc, on en trouve des beaux, des encore plus beaux, et finalement, le sapin qu'il nous faut. Puis mon père va avec la scie, va le couper, le ramène tout le long du chemin. Puis donc, à partir de ce moment-là, on a notre sapin pour l'année. C'est commencé, Noël s'en vient. Il doit toujours être monté dans le salon chez mes parents avant le 8 décembre, l'anniversaire de ma sœur. Wow! Et c'est, j'imagine, toute une démarche de choisir la hauteur. Comment est-ce qu'il est garni? Oui, c'est... Puis même parfois, on fait des erreurs. Finalement, après l'avoir coupé, on réalise que non, il est pas du tout assez garni, que finalement, dans le salon, il pourra pas trôner aussi dignement qu'on l'avait cru. Donc, on en choisit un autre, finalement, puis ça devient des anecdotes. Parlons un peu du Père Noël. Alors, est-ce que le Père Noël passe dans vos familles? Ben oui, c'est important. Moi, je trouve ça important pour l'imaginaire des enfants d'essayer de garder le plus longtemps possible cette croyance-là. Où, tu sais, oui, c'est certain qu'il passe. Il passe pas nécessairement pour donner les cadeaux ou pour apporter des cadeaux, mais il passe dans la nuit du 24 au 25 pour venir garnir les bas de Noël des enfants. Et puis, est-ce que il y a besoin de passer pour être dans l'imaginaire des enfants? Bien, chez nous, le Père Noël ne passe pas. C'est un personnage important de Noël. C'est un personnage que les enfants reconnaissent, qu'ils aiment voir, dont on parle. Mais c'est pas nécessairement lui qui passe puis qui vient déposer les cadeaux. Parce qu'on jugeait important qu'il y ait un aspect de reconnaissance, que les enfants soient conscients qu'on met de l'argent de côté pour leur acheter des choses, pour leur faire plaisir, puis qu'ils puissent dire « Merci, maman, merci, papa. Je suis content du cadeau que vous m'avez acheté, puis vraiment, ça me fait plaisir. » Donc, on jugeait que c'était important. Donc, on a essayé de jumeler les deux, de trouver une place au Père Noël, parce que oui, c'est un personnage important de Noël, mais que ça soit pas la pensée magique du Père Noël là, qui fait tout gratuitement dans son atelier avec les lutins, puis que finalement, ben il y a aucun effort, là, que les parents se servent à rien dans ce processus-là de Noël. Là. Et Steven, je crois que tu as une anecdote pour nous parler du Père Noël. Une fois, Nancy, peux-tu nous en parler d'abord, puis Steven aussi ensuite? Oui, c'est ça. C'est il y a 5 ans, Steven avait 6 ans environ. Il commençait à moins croire au Père Noël. Puis moi, je trouvais, tu sais, qu'il était encore jeune pour ne plus croire au Père Noël, surtout que son grand frère qui avait 10 ans. Commençait à lui dire certaines choses. Il lui disait pas que c'était faux, mais lui amenait des idées pour le mettre sur une piste qui pourrait le faire douter, c'est ça. Fait que ce qu'on a fait, c'est que... Ben, Steven peut continuer à vous le raconter. Qu'est-ce que tes parents ont fait pour que tu continues à penser qu'il existe? Ben, c'est qu'ils ont pris des bottes, des vieilles bottes, puis ils les ont mis dans la cendre du poêle, puis après ça, ils ont fait des traces en bas pour faire croire que le Père Noël, il avait passé dans la cheminée, puis qu'il avait laissé des empreintes, là. Fait que là, dans une bonne partie de la maison, de ce que j'ai même cru comprendre. Ben, dans le sous-sol, puis parce que Yu qui avait mis les cadeaux, ben, on avait fait des traces, puis Yu qu'on avait mis les bas aussi, il avait fait des traces qui s'en allaient vers les bonnes Noël, puis tout ça, là. Puis quelle a été ta réaction, Steven? Ben, je trouvais que je trouvais ça épatant parce que je pensais pas que le Père Noël existait. Ben, je croyais un peu encore, là, mais pas tant que ça. Puis je pensais qu'il était imaginaire. Puis finalement, ça m'a remis à douter qu'il existait. Là. Puis t'as pu le dire à ton frère, j'imagine que, ouais. Hey, je le sais qu'il existe. Il a crié « Maman !» quand il s'est levé le matin puis qu'il est allé tout de suite en bas. Il a crié « Maman, viens voir, il y a des traces de Père Noël. Il y a des traces de cendre partout, maman. » C'était de voir ses yeux là, vraiment pétillants. Puis là, je me suis dit « Bon, mais mission accomplie pour encore au moins une année. » Oui, c'est ça. À chaque année, son défi. Juste pour parler, moi aussi, une petite anecdote qui était bien drôle dans notre famille. En fait, c'est l'année passée, puis j'espère que ma sœur n'écoute pas sur l'heure du midi. Elle a 7 ans. Et puis, l'année passée, ce qu'on a organisé sous l'initiative de mon frère de 15 ans, François, qui nous a dit « On pourrait peut-être monter quelque chose. » Alors, avec des walkie-talkies, on s'était synchronisés. J'étais allée dormir avec ma sœur parce que cette année-là, le Père Noël n'était pas passé le soir. Mais ma sœur nous avait rassurés. Le Père Noël, inquiétez-vous pas, il peut aussi passer le matin. Mais à peine 15 minutes après qu'elles sont endormies, mon père et mon frère, qui étaient montés grâce à une échelle sur le toit, se sont mis à faire du vacarme sur le toit. Et là, c'est elle qui nous a tous réveillés pour dire « Le Père Noël est là, bougez pas. » Puis, alors les cadeaux. Bref, pour dire qu'il y a toutes sortes de manières originales. Puis, dans le fond, à 8, nous avons organisé ça pour elle, mais sa réaction était tellement grande qu'on pense que... ça valait la peine. Ben c'est ça, puis c'est aussi plaisant pour les gens qui l'ont organisé, tu sais, le scénario, oui. Que de voir la réaction, tu sais, de l'enfant, puis le plaisir que l'enfant éprouve et là aussi, mais tu sais, c'est aussi le fun pour les gens qui l'organisent, là. Tout à fait, ça permet de garder sa jeunesse en nous. Nous sommes de retour à l'émission Connaître ensemble. C'est une émission où nous parlons de périnatalité, mais aussi des familles, comme aujourd'hui. C'est le temps de nous envoyer vos suggestions pour notre programmation d'hiver. Alors, notre adresse connaître.ensemble@uqtr.ca. Nous sommes en train de préparer notre programmation, donc c'est le moment idéal si vous avez des sujets que vous voudriez qu'on aborde avec des experts en la matière. Alors, on est de retour avec Maryse Poirier, Nancy Tremblay et Steven Gay. Alors... comment est-ce que les enfants vous impliquez autour de Noël? Qu'est-ce que vous faites en famille? Tu nous as parlé des pains d'épices. Est-ce que vous faites d'autres choses en famille, les enfants, pour Noël? Ben, on fait des petites activités ensemble. Comme des fois, on s'assied tous sur le divan, puis on écoute un film avec des chips ou du popcorn. Des films de Noël. Puis à l'école, est-ce que vous préparez aussi pour Noël? Ben ouais, on fait des décorations pas mal dans le mois de décembre, au début du mois de décembre. Puis après ça, la dernière journée d'école avant les fêtes, ben on fait un party pyjama puis on écoute un film. Et puis, oui? Les décorations, moi je trouve ça le fun. Quand à chaque année, il m'arrive avec plusieurs décorations, puis on peut les accrocher au mur, on peut les placer dans l'arbre de Noël. Puis je trouve ça plaisant, je trouve ça beau, des décorations faites par les enfants. Oui. Puis ça, en même temps, justement, vu que ça stimule la créativité, je trouve ça super important aussi, là. Quelle est l'importance pour vous, en tant que mère, de stimuler cet imaginaire-là de vos enfants? Bien, moi, l'imaginaire, je la relie beaucoup avec la créativité aussi. Puis je trouve ça super important dans la vie en général que nos enfants soient stimulés au niveau de leur imaginaire puis qu'ils soient créatifs parce que ça les aide selon moi à trouver des solutions quand ils vont être adultes à leurs problèmes plus facilement trouver des solutions. Fait que je me dis si on stimule ça chez nos enfants quand ils sont jeunes, ben ça peut être bénéfique pour eux là à l'âge adulte. Puis dans l'esprit de Noël, ben c'est un super de beau moment pour créer, tu sais, stimuler l'imaginaire, puis travailler au niveau de la créativité dans les décorations, dans les biscuits aussi qu'on fabrique. Parce que moi, j'ai aucun emporte-pièce chez moi pour les biscuits. C'est vraiment des petits couteaux que les enfants utilisent. Ils doivent les sculpter. Oui, les... exactement. Leur donner leur forme. Hein. Oui, c'est ça. Des fois, on rit beaucoup parce que, tu sais, les plus petits, l'année passée, Nicolas, il avait 4 ans. Et, c'est certain que les formes qu'il donne à ses biscuits, des fois, c'était comique. Puis, on a bien du plaisir à ce niveau-là. Aussi, un jour, Nicolas, il avait tombé de sa chaise, puis il avait fait une sculpture qui ressemblait à un bonhomme qui tombait d'une chaise. Il l'avait faite avant ou après? Avant, je pense. Donc, il avait comme prédit ça. Ça gîte. Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour stimuler cet imaginaire-là? On a déjà parlé des décorations, de tout l'esprit Noël. Est-ce que vous faites d'autres choses? Ben nous, le soir, en général, dans la routine du dodo, on va lire des histoires. Puis donc, en cette période des fêtes, on va lire des histoires de Noël, des histoires de bonhomme de neige, des histoires de Père Noël, de lutin. Puis, Justin, il a plusieurs histoires qu'il aime. Puis en général, on n'a pas le temps de toutes les lire, mais il veut quand même qu'on fasse le tour de toutes les histoires. C'est dans sa routine. Donc, ma mère est plus patiente que moi. Elle lit toutes les histoires, une après l'autre, avant le dodo. Puis moi, en général, je les réinvente. Donc, ça va plus vite. À chaque image, j'essaie d'inventer une histoire qui suit à peu près pour arriver au résultat final, à peu près initial aussi. Mais donc, à chaque fois que les histoires sont différentes, puis Justin se rappelle de toutes les aventures que les personnages ont, puis il m'en reparle après, là. Je trouve ça super que tu fasses ça, Maryse, aussi, parce que dans les étapes de développement de l'enfant au niveau de la lecture, ben la première étape, c'est justement de se fier aux images puis d'inventer une histoire. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun que tu stimules la créativité de tes enfants dans ce sens-là, puis je voulais te le dire. Et puis, Steven, peux-tu nous dire quelle est la signification de Noël pour toi? Ben c'est la fête de Jésus, puis que les cadeaux... c'est comme pas vraiment important pour Noël. C'est comme... C'est à côté, les cadeaux. Ouais, c'est ça, quelque chose... C'est pour rajouter, là. Est-ce que vous allez à la messe de Noël? Ouais, on y va. Puis aussi, à toutes les 2 ans, on va chez mon oncle pour fêter Noël chez lui. OK. Puis, est-ce que vos parents vous racontent l'histoire de Jésus pendant les fêtes? La naissance? Non, mais à l'école, il y a présente un peu, là. Fait que ça nous dit, on sait un peu comment ça se déroule, là. Et toi, est-ce que tu as une sœur ou un frère plus jeune? Les deux. Les deux. Et puis, est-ce qu'un jour, quand eux autres vont peut-être douter de l'existence du Père Noël, est-ce que tu vas faire quelque chose pour les faire croire au Père Noël encore? Ouais, je vais sûrement faire quelque chose. Quelque chose un peu comme les bottes avec la scie. Ouais. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de votre préparation de Noël en famille. On voit que les expériences peuvent être variables et puis que la préparation, l'imaginaire se prépare différemment. Que le Père Noël existe ou pas, il y a moyen de créer cet imaginaire-là autour de Noël. Ben, merci beaucoup. Merci. Oui. Merci. Alors, on va enchaîner avec la chronique qui va nous parler de coopération. Annick, peux-tu nous dire quel est le sujet plus détaillé de ta chronique? Ben oui, moi j'ai eu la chance de rencontrer Stéphanie Lafleur, qui est une infirmière qui a entre autres travaillé en périnatalité et dans d'autres domaines aussi. C'est une infirmière qui est impliquée dans l'organisme Grossesse Secours depuis presque 15 ans maintenant. Et elle connaît bien la pratique sage-femme parce qu'elle fait partie du regroupement des étudiantes sage-femmes de 97 à 99, soit est-elle sur le conseil d'administration. Donc 97 et 99, ça correspond au moment où le programme est entré à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc elle a beaucoup milité pour ça aussi. Elle était à ce conseil d'administration-là parce qu'elle a travaillé, elle a fait de la coopération en fait au Burkina Faso, donc de la coopération, et elle a travaillé en tant que sage-femme. Donc j'ai fait une entrevue avec elle et je vous la fais écouter. Merci. Chronique internationale. Qu'est-ce que vous a amené à vous intéresser au domaine de la périnatalité? Alors, au début, j'étais dans les communications, au début, là, en sortant du secondaire. Puis, par après, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose de plus fondamental, puis de plus dans le social. Donc, c'est pas venu tout de suite, honnêtement. C'est venu vraiment dans une période de réflexion que j'ai faite. Donc, j'ai décidé de partir en voyage pour décrocher complètement. Puis, c'est en voyage que j'ai eu cette espèce de révélation-là d'avoir envie de m'intéresser à quelque chose de peut-être plus passer de la créativité à la création, donc procréation. Et puis, étant dans les... Je continuais à m'intéresser aux communications, mais je sentais vraiment qu'il manquait quelque chose de plus essentiel. Puis j'avais besoin aussi de me rapprocher peut-être de la féminité, du féminisme, peut-être qu'est-ce qui concerne un peu le côté femme de notre existence. Excellent. Et quand vous avez pris ces choix-là, pourquoi avez-vous choisi de travailler à l'étranger plutôt qu'ici? Ben, parce que j'avais besoin d'aller confronter un peu ce que j'avais appris. J'avais besoin de sortir du cadre, de sortir de mes repères pour voir si ça pouvait pas susciter peut-être une prise de conscience puis peut-être une plus grande ouverture. Je pense que c'est pour moi, c'est important d'avoir une base fondamentale qui est là, mais c'est important aussi de la modifier puis de la changer avec le temps puis de s'exposer à d'autres réalités pour continuer à croire en ce qu'on croit ou le modifier au besoin en fonction de ce qu'on peut vivre comme expérience en allant à la rencontre de l'autre. Mm-hmm. Et quand vous êtes partie, finalement, juste pour clarifier pour les auditeurs, vous êtes infirmière. Oui. Et vous êtes partie en tant qu'infirmière, mais vous avez travaillé comme sage-femme, finalement. Bien, ça faisait partie du stage. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un stage qui était offert pour les infirmières, mais c'était clair que c'était un stage qui était un stage d'apprentissage à la profession de sage-femme. OK. Donc, on partait comme infirmière, mais étant une fois arrivé là-bas, on s'est vu un peu attribuer la tâche et le rôle des sages-femmes. OK. Et est-ce que c'était avec l'université ou le cégep ou c'était avec un organisme particulier? C'était avec le syndicat des infirmières, c'était avec la FIC. C'est un projet qui est en collaboration avec la FIC et le CISO, qui est une ONG québécoise. Donc, c'était un projet qui était financé, un stage qui était financé par la GDI, mais en collaboration entre la FIC et le CISO. OK. Et puis, vous êtes parti à quel endroit? On est parti au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Et c'était quoi votre quotidien là-bas? Qu'est-ce qui était attendu de vous comme apprentissage, comme travail? On suivait carrément les sages-femmes dans leur travail, c'est-à-dire qu'on faisait surtout de la maternité, là, c'est-à-dire surtout des accouchements, mais on pouvait des fois aller dans des suivis prénataux, dans des cliniques, là où est-ce qu'on faisait des consultations prénatales, et on pouvait des fois aller aussi s'occuper d'elles dans le postnatal, mais c'était essentiellement, notre travail était essentiellement de suivre des sages-femmes en salle d'accouchement, en maternité. OK. Et c'était des sages-femmes burkinabées ou oui. Des sages-femmes étrangères? Oui, non, c'était okay. Seulement des sages-femmes burkinabées, mais c'est important de mentionner qu'il n'y avait pas juste des sages-femmes. Il y avait des accoucheuses, mm-hmm. Et il y avait des matrones, et il y avait des médecins. Donc ça, okay. C'est différentes personnes qui peuvent intervenir là, dans un contexte d'accouchement en fonction des différents milieux qu'on a fait, parce qu'on a fait plusieurs milieux de stage. Et c'était quoi les différences entre une sage-femme, une matrone, puis une accoucheuse? C'est la formation. La différence, c'est vraiment leur formation. Mm-hmm. Disons que la sage-femme, c'est un peu comme, c'est celle qui a la plus longue des formations. Ensuite, une accoucheuse qui a une formation de peut-être seulement... Bon, je pense que la sage-femme, c'est 3 ans, mais là, ça se peut que je me trompe, là, mais si je me rappelle bien, la sage-femme, c'était quand même plusieurs années. L'accoucheuse, c'était une année seulement, puis la matrone, c'était littéralement quelqu'un qui avait été spontanément comme nommée par la communauté comme, comme ayant ce savoir-là. Là. Mm-hmm. Excellent. Vous aviez sans doute des idées et des attentes concernant votre engagement humanitaire avant votre départ. Est-ce que vous avez été surprise par la réalité là-bas quand vous avez été sur les lieux? Ben, c'est sûr que moi et les autres aussi avec qui j'étais, je pense qu'on partait plus comme pour être des observatrices. On pensait qu'on allait être un peu comme des étudiantes, littéralement, mais ça n'a pas été long qu'on a été plutôt placées comme des... c'est-à-dire des personnes qui j'ai pas le mot, mais tu sais, on était impliqués, là. C'est-à-dire que c'est nous qui avions la responsabilité de l'accouchement. Donc, on s'est retrouvés à avoir beaucoup plus de responsabilités qu'on s'attendait à avoir au départ, ce qui nous avait été un peu présenté. Nous, on s'en allait là plus comme apprentis, et puis on s'est retrouvés à être plutôt comme des acteurs principaux dans les accouchements. Donc, ça a été une des premières découvertes. Mm-hmm. Et au niveau plus, je dirais, culturel, dans la vie de tous les jours là-bas, est-ce que c'était un peu différent de ce que vous attendiez? Ah ben oui, oh oui. Je pense qu'on a beau se préparer, on a beau suivre des formations, on a beau lire des livres, il n'y a rien qui nous prépare à ça tous les niveaux. Tout à fait. Comment vous pensez qu'en tant que, je dirais que professionnelle étrangère, vous étiez perçue par la population locale? Ben ça revient un petit peu en lien à ce que je disais tantôt, c'est-à-dire que on a été vraiment rapidement placé un peu sur un piédestal. Tu sais, on s'est retrouvé à devoir prendre part et puis d'aller vraiment dans des compétences qu'on n'avait pas nécessairement. C'est-à-dire que comme infirmière, on se retrouvait à devoir agir pratiquement comme médecin. C'est-à-dire qu'on devait faire des actes pour lesquels on n'avait pas nécessairement eu la formation comme infirmière ici au Québec au départ. Donc on a été perçu. C'est-à-dire qu'on a été placé quand même pas mal sur un plus haut niveau de compétences qu'on a été formé. Donc, je pense que pour eux, c'était une question de respect. C'est-à-dire que c'était une question de culturellement, c'était normal de nous attribuer les accouchements, par exemple. OK. Et je me retrouve... En tant que personne qui avait déjà fait de l'aide humanitaire, quelles qualités croyez-vous que c'est les plus importantes pour un intervenant en santé qui aimerait pouvoir faire de la coopération internationale? Bien, je pense que ça prend surtout une grande humilité. Je pense que c'est des expériences qui sont très enrichissantes, mais la principale chose qui me vient quand je pense à votre question, c'est vraiment une grande, grande humilité de savoir plutôt être observateur, même si on nous place devant souvent des situations. Il faut quand même toujours avoir la délicatesse d'arriver avec un certain recul vis-à-vis de nos pratiques à nous. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi quand même observer comment ça se passe et puis agir, mais peut-être en cohérence ou en harmonie avec ce que eux, comme ils le font là-bas. Donc, je dirais que ça prend beaucoup d'humilité, beaucoup de sensibilité, peut-être un peu de discrétion. Il faut se laisser pénétrer par l'autre plutôt que de s'imposer. Il faut être à l'écoute, puis il faut être, encore là, je le mentionne, mais je pense qu'il faut être un très bon observateur. Mm-hmm. Excellent. Et selon vous, selon ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a des impacts négatifs à l'aide humanitaire pour les populations locales? Je pense pas qu'il y ait des impacts négatifs. Peut-être que je pense pas non plus qu'il peut y avoir nécessairement des impacts positifs. Mm-hmm. Je pense que c'est peut-être neutre. Je pense qu'il faut être conscient que notre présence crée automatiquement des attentes. Donc il faut juste en être conscient. Je pense pas que je suis très mal placée pour donner des conseils ou de dire quoi que ce soit, mais je pense que il peut y avoir une expérience ni positive ni négative, mais il faut être conscient que de notre présence, il y a tout de suite automatiquement des attentes qui sont créées. Et le fait d'en être conscient, peut-être que ça peut changer les choses. Est-ce qu'on y répond, est-ce qu'on y répond pas? Ça, c'est la question n'est pas à ce niveau-là, mais c'est peut-être plus d'en être conscient. Mm-hmm. Et qu'est-ce que vous ramenez de plus précieux de votre expérience en Afrique? Ben, je pense que ces expériences-là, ça ramène automatiquement une vision. C'est sûr que dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait professionnellement comme personnellement, c'est des expériences qui nous transportent toujours. Et ça permet de rapporter une certaine vision des choses qui peut être très enrichissante pour le travail et pour la vie en général. Et maintenant que vous êtes mère, est-ce que c'est le genre d'expérience que vous referiez encore avec une famille, avec votre famille? La question, c'est de savoir si je suis réellement revenue de ces expériences-là. Je pense que c'est des expériences qui sont longues à digérer, si je peux m'exprimer ainsi. Puis je pense que c'est des choses qu'on peut faire, mais il faut se laisser le temps par après de digérer cela, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont tellement complètes, qui sont tellement... qui viennent changer ta perspective des choses à tellement de niveaux que oui, je repartirais. C'est sûr que je repartirais, mais maintenant que je sais c'est quoi, j'attendrais, disons, que tous les éléments soient réunis pour que vraiment ça soit une expérience des plus enrichissantes. C'était toutes mes questions. Merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. Chronique internationale. La session se termine avec les chroniques aussi. Peux-tu nous dire, tu as fait d'abord un grand travail au niveau des chroniques. Ça prend du temps pour faire le montage, ça prend du temps pour aussi interviewer les invités. Et j'aimerais savoir comment as-tu trouvé ton expérience? Ben merci. Ben tout d'abord, j'aimerais dire que ça a été beaucoup de travail, mais ça a été aussi une expérience vraiment extraordinaire. J'ai rencontré des personnes tellement inspirantes, tellement intéressantes que souvent ça me laissait dans un certain, dans des certaines vapes pendant un petit bout de temps après les entrevues. Voilà, s'il y en a qui ont envie de s'impliquer là-dedans l'année prochaine, je parle peut-être que des futures sages-femmes qui nous écoutent ou des étudiantes actuelles ou des gens qui vont se retrouver dans le domaine, dans le campus, si vous avez des idées de chroniques pour la prochaine session, pour la prochaine année, n'hésitez pas à nous contacter. C'est ça, les chroniques, en fait, c'est environ... celle-là était un peu plus grande que d'habitude. Souvent, c'est 5 minutes, un sujet... relié à la périnatalité, soit de santé, mais aussi ça peut être plus du côté des sciences humaines, ça peut être varié. Tout à fait. Et puis, pour ceux qui voudraient se détendre pendant les fêtes en réécoutant quelques chroniques, peux-tu nous dire les sujets qui ont été abordés cette session-ci? Oui, pour commencer à la première émission, on a parlé du Guatemala. On a aussi une entrevue avec Désirée Boudreau qui faisait son stage en Polynésie française, donc qui nous a parlé de son expérience, une émission vraiment intéressante qui a été en deux parties. On a fait une bonne partie de notre émission aussi sur la France. On a eu des interviews avec la présidente de l'Ordre des sages-femmes de France et on a aussi parlé avec une femme qui a accouché en France qui nous a parlé de son expérience là-bas. On a eu aussi une entrevue sur le Burkina Faso. Je souligne aussi la superbe émission qu'on a fait avec Marie-Josée Louis, qui est une étudiante au bac. Et voilà, c'est à peu près ça pour cette session-ci. Puis on a des belles choses qui s'en viennent. On a fait des contacts pour la prochaine session. Merci, Annick. Alors, moi aussi, pour récapituler un peu, pour vous donner une idée des émissions que vous pouvez aller réécouter sur Internet, à www.sifu.ca. Juste pour préciser, c'est en cliquant dans la programmation sur notre émission Connaître ensemble que vous allez pouvoir ensuite trouver le lien de notre blog qui sera d'ailleurs travaillé pendant les fêtes, au cours des fêtes. Alors, nous avons parlé cette session-ci d'abord de notre motivation à être au bac en pratique sage-femme, mais nous avons aussi parlé des pratiques d'ici d'ailleurs avec Lucie Hamelin. Nous avons parlé de l'historique des sages-femmes, de leur histoire depuis des siècles avec André Rivard, Caroline Paquet, qui travaillent dans le milieu de la périnatalité. Nous avons aussi invité des étudiants de chiropratique et médecine podiatrique. D'ailleurs, nous espérons que des étudiants de sciences infirmières ou de d'autres domaines, même aussi psychologie, pourront se joindre à nous pour des émissions cet hiver. Nous avons invité le groupe Maman. Nous avons aussi reçu des parents de la maison de naissance de Nicolet qui sont impliqués sur le comité de parents. Nous avons une émission sur la spiritualité avec la sage-femme retraitée Huguette Boilard et Jean-Marie Miron, qui est à l'UQTR professeur en éducation. Nous avons aussi fait grande place aux étudiantes, entre autres une émission sur l'accompagnement ou aussi une émission sur les travaux faits dans le cours d'introduction au bac en pratique sage-femme. Les sujets abordés étaient être sage-femme sans enfant et les sage-femmes inuites. Finalement, nous avons aussi eu à notre émission Raymond Gagnon et Erika Goupil qui sont venus parler de CAM, qui était le congrès des sages-femmes du Canada. Et puis, ça fait pas mal le tour de notre session, incluant l'émission d'aujourd'hui qui parlait de la préparation de Noël dans les familles. Alors, je répète notre adresse connaître.ensemble@uqtr.ca. Nous attendons vos suggestions et nous aurons aussi des suggestions des étudiantes pour cette programmation d'hiver. Alors, ça implique que nous serons de retour cet hiver. Vous allez pouvoir avoir la date exacte de nos émissions et l'heure auquel cela se déroulera sur le site de cifou.ca. Je veux finalement remercier tous les membres de l'équipe, les quatre membres immédiats, Sophie Beaudoin-Dizion, Sarah Bergeron, Annick Desrosiers, moi-même, Mélina Castonguay au micro. Nous avons aussi une grande aide de Marlène Becker et Erika Goupil. Marlène étant au niveau de l'université, Erika Goupil, une étudiante de deuxième année, qui travaille aussi beaucoup dans l'ombre pour cette émission. Et finalement, la collaboration d'à peu près tous les professeurs de notre programme pour faire en sorte que le contenu soit extraordinaire et appuyé par les professeurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous sommes de retour cet hiver. Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes!